Regardez les gens, regardez les rampés. Ils ont toujours très peur de dire un mot de trop. L'humiliation ne semble pas les concerner. Vivre à genoux, ça veut leur plaire bien, bravo. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi, mis à part moi. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi et maintenant. Après 10 ans, services bons et loyaux, ils envisagent alors d'être considérés. Et toujours dire amen, toujours faire le beau. Des fois qu'il y ait quelque autre prime à dégoter. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi, mis à part moi. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi et maintenant. Ils sont tous d'accord pour peindre la maison. Et croient qu'avec du vieux, ils vont faire du neuf. Quant à leur murmurer le mot révolution, c'est le seul cas, ils ne suivront pas le bœuf. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi, mis à part moi. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi et ma vie de nom. Avoir le cœur à gauche sur le côté droit. Le livre du respect, du bon ordre établi. Que feriez-vous mon cher dans un monde sans loi? Allez gueuler ailleurs, Dieu est notre ennemi. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi, mis à part moi. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi et ma guedon. Élever ses enfants dans l'énorme en vigueur, en ayant l'impression d'être un bon citoyen. Surtout leur terre, le trafic exploiteur, la justice bidon et les flics assassins. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi, mis à part moi. Tout le monde a quelque chose à cacher. Mis à part moi et moi.